24e chapitre. La rencontre suite. La fontenelle était si agitée qu'il n'entendit rien des dernières paroles de l'aveugle. Plein de jalousie à la nouvelle du mariage de Clara, il s'écria d'une voix tonnante. « Qui épouse-t-elle, misérable ?»« Le seigneur du Granec, » répondit Hervéic, effrayé de l'éclat de cette voix menaçante, qu'il crut se rappeler avoir déjà entendu autre part. « Du Granec ?» hurla encore la fontenelle. « Oui, monsieur, » continua l'aveugle tout ému. « La noce s'est faite hier, et aujourd'hui monseigneur Amaury a permis à ses vassaux de venir danser et se divertir dans cette avenue. Maintenant, si vous désirez parler au baron ou au nouveau marié, vous les trouverez tous deux au château, où j'ai eu l'honneur de les rencontrer il n'y a qu'un instant. » La fontenelle ne répondit rien. Il suffoquait de rage depuis qu'il avait entendu les paroles d'Hervéic, et il ne pouvait se faire à l'idée que Clara, qu'il n'avait respectée qu'en considération de son frère, fût devenue l'épouse de son plus cruel ennemi. « Oh, pourquoi ? » pensa-t-il. « Ne l'ai-je pas enlevée et épousée de force ? Par ce moyen, je me rendais maître de sa fortune, qui va devenir la proie de ce misérable du Granec. Malheureusement, tout entier à ma vie de partisan, j'ai négligé cette femme adorable qui eût peut-être fait mon bonheur. À présent, seul et isolé sur mon triste rocher, je n'ai aucune affection, aucun amour qui me fasse tenir à la vie. Je n'ai près de moi qu'un affreux compagnon qui ne me quitte plus, l'ennui. » Pendant que la fontenelle se livrait à ses amères réflexions, Quilliac interrogeait de nouveau Hervéic et lui demandait si ce qu'il avait dit était bien l'exacte vérité. « Oui, » répondit l'aveugle, « c'est monsieur du Granec qui a épousé mademoiselle de Loquevel, et je ne crains pas de le dire, c'est un brave seigneur qui mérite bien le bonheur qui lui arrive, car il n'oublie pas les malheureux. Et tout à l'heure encore, quand je suis allé chanter des complaintes dans la cour du château, il m'a fait présent de 2 pièces d'or. » La fontenelle, en entendant les louanges du vieillard, ne put retenir sa colère. Il éclata tout à coup et s'élança vers Hervéic avec fureur, comme s'il eût voulu le frapper de sa dague. Mais il n'en fit rien. Il se contenta de murmurer d'une voix sourde et terrible cette menace qui glaça d'effroi le cœur du barde. « Silence, vieux fou, et à l'avenir retiens mieux ta langue, ou c'en est fait de ta vie, s'il t'arrive encore de parler jamais de du Granec. » Ayant dit ces mots, la fontenelle tourna bride et fit signe à son compagnon de le suivre. « Au ciel !» se dit Hervéic tout effrayé des paroles qu'il venait d'entendre. « Non, je ne puis me tromper. Maintenant je reconnais cette voix. C'est celle de Guéder, car il n'y a que lui seul qui puisse défendre de prononcer le nom de du Granec. » Enfin, après avoir fait plusieurs autres réflexions sur cette singulière rencontre à laquelle il était si loin de s'attendre, le vieillard quitta sa place et prit aussitôt le chemin de sa chaumière. Pendant ce temps, les cavaliers s'étaient éloignés dans une direction tout à fait opposée. « Allons, Quilliac, » dit la fontenelle. « Après la nouvelle que je viens d'apprendre, il ne faut plus songer pour le moment à nous rendre chez mon frère. Si j'y allais, jamais je n'aurais assez d'empire sur moi pour ne pas provoquer du Granec au combat. Et tu le comprends, je ne veux point que des scènes violentes aient lieu au château de Beaumanoir. » « Et où voulez-vous donc aller, capitaine ? Retournez sur mes pas et regagnez l'île Tristan. »« Mordieu ! » s'écria Quilliac tout rouge de colère. « Que le diable emporte ce damné du Granec, qui est cause que ce soir nous n'allons pas coucher à Beaumanoir, moi qui me faisais une fête de revoir mon ancien maître, le baron. Pour cette fois, il ne faut pas y penser. Oh, si ma position n'avait pas changé, si j'étais encore la fontenelle, le partisan, je dirigerais bientôt mes vues sur le château du Laz, et m'en emparerai à force ouverte quand j'aurais acquis la certitude que les 2 nouveaux époux y auraient établi leur résidence. Voilà de quelle manière je me vengerai de ce mariage. Mais hélas, actuellement je ne puis rien faire sans la permission de Henri IV. J'ai les bras entièrement liés. » Après ces paroles, la fontenelle piqua des deux et s'élança comme la foudre à travers la vaste plaine dont nous avons parlé. « Si cela continue, » murmura Quilliac en mettant aussi son cheval au galop, « mon jeune maître deviendra fou, mais je suis là, moi encore, et si ce malheur arrivait, » ajouta-t-il d'un air sinistre, « monsieur du Granec ne serait pas longtemps l'époux de la belle Clara. » Tout en galopant comme un insensé, la fontenelle ne cessait de se livrer à ses pensées tumultueuses. Il songeait toujours à se venger de Dugranec, mais il était forcé de renoncer à ses projets parce qu'il ne trouvait aucun moyen d'exercer sûrement sa vengeance. Et il avait sans cesse devant les yeux la charmante image de Clara qui le poursuivait. Il regrettait la perte de cette riche héritière. Dans son dépit, malgré les immenses richesses qu'il avait enfouies dans l'île Tristan, il se trouvait malheureux et digne de pitié. Toutefois, son imagination surexcitée se calma au souvenir de Marie de Mézarnoux, sa jolie cousine. Puis, en la comparant à Clara, il ne put s'empêcher de sourire, car il trouva que cette jeune fille, par sa fortune et par les charmes de sa personne, l'emportait sur mademoiselle de Loquevel. Alors il pensa avec ivresse au jour où il irait retirer Marie des mains de l'abbesse des Ursulines, à laquelle il avait confié le soin de son éducation jusqu'à l'âge de 15 ans. Ses rêves de bonheur, qu'il s'était bien promis de réaliser, absorbèrent tellement ses facultés qu'il n'entendit pas Kiliek lui faire l'observation qu'il s'écartait de son chemin et prenait une fausse route. Arraché enfin à ses rêveries, Guy Hédère, après avoir observé le lieu où il était et s'être orienté facilement, lança son cheval dans la direction de Douarnenez.